autre chose. Il est entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais le cause. Je sens en moi.